Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Grand Large, sur Radio Fadjet 94.2 à Nancy. C'est Clément qui vous parle. Nous allons parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. En effet, voilà 2 ans qu'un terrible incendie a ravagé la cathédrale de notre capitale, Paris. Je suis avec Aurélien, passionné de cathédrale gothique. Bonjour Aurélien. Bonjour Clément. Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Eh bien, pareillement. Et je suis avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Eh bien, c'est parfait. Nous allons commencer par un petit peu d'histoire. Aurélien, est-ce que tu arriverais à nous résumer brièvement l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Eh bien oui, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a plus de 850 ans. C'est le monument le plus visité de France avant la Tour Eiffel, jusqu'à avant l'incendie. Donc pour la pose de la première pierre, ça s'est fait avec l'évêque Maurice de Sully en 1163. Et la construction, ça a été long parce qu'il a fallu presque 200 ans pour la construire et l'achever. Donc plusieurs évêques se sont succédés sur le chantier, de même que plusieurs maîtres d'œuvre. Mais à cette époque-là, on retenait surtout le nom des évêques qui construisaient la cathédrale. Le nom des maîtres d'œuvre étant en général gardé secret et rarement connu pour ces époques-là. Donc les travaux ont duré, puis se sont construits, donc avec des petits remaniements au fur et à mesure. Au milieu du XIIe siècle, on a remanié un petit peu le projet, on a fait des fenêtres hautes qui étaient plus grandes et qui laissaient rentrer plus de lumière que celle d'origine. On a ajouté des coursives et puis on a intégré un système ingénieux de rigoles et de gouttières pour l'eau de pluie qui se termine par les gargouilles, dont le but premier est en fait d'éviter à l'eau de ruisseler le long de l'édifice, mais d'être évacué avec les gargouilles à plusieurs mètres du pied des murs. Donc on avait aussi une flèche à l'origine de la cathédrale qui avait été construite vers 1250. Et puis le problème, c'est que cette flèche, elle était pas très très bien faite. Et puis en 1786, elle était dangereuse et elle menaçait de s'effondrer. Donc on l'a fait démonter tout simplement. Et la cathédrale a connu le sacre de Napoléon en 1804, où elle avait été bricolée pour l'occasion, parce qu'elle était dans un état de délabrement très important, à tel point qu'on se posait carrément la question de la raser, purement simplement, parce que ça coûtait juste trop cher à remettre en œuvre. Et puis on a quelqu'un qui est arrivé, il s'appelait Victor Hugo, il écrivait des romans. Il a écrit le roman que nous connaissons tous, Notre-Dame de Paris, qui a été un succès, purement et simplement, et qui en fait a redonné goût de cette cathédrale pour les Parisiens et plus largement pour les Français. Donc de là, du coup, les autorités françaises ont décidé de lancer une grande campagne de restauration et de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était principalement dirigée par Viollet-le-Duc. Donc Viollet-le-Duc, pendant 20 ans, il s'est occupé de cette cathédrale, il en a pris un très grand soin, il a refait déjà tous les travaux d'urgence qui étaient à faire. Il a construit une galerie de chimères qu'on peut voir quand on visite les tours de la cathédrale de Paris. Il a reconstruit une flèche qui était à la croisée du transept. Il a construit, ça c'était un des grands projets de cette restauration, il a construit une grande sacristie qui s'est avérée que c'était un gouffre financier parce que le terrain était meuble. Il a fallu descendre à 9 mètres de profondeur pour trouver un sol stable. Ça a été un gouffre financier, il a fallu plusieurs fois revoter des nouveaux budgets parce que ça coûtait juste une fortune. Il a reconstruit une partie des vitraux, il a reconstruit les pinacles et les gables qui sont des éléments de décor sur la cathédrale et qui sont en fait assez finement ciselés. Et du coup, c'est les premières choses à casser, à tomber sur les passants, voire sur la route ou autre chose. Il a également fait pivoter la rose sud du transept d'une quinzaine de degrés parce qu'en fait elle était plus très très stable, en fait il fallait la faire reposer selon un axe vertical, donc il a habilement fait pivoter cette rose. Et puis ça s'est fait aussi à l'époque où le baron Haussmann a fait des grands travaux dans Paris et il a purement et simplement dégagé le parvis de la cathédrale qui donne la place qu'on a actuellement. Parce qu'avant, Notre-Dame, on débouchait sur des petites ruelles pour y accéder. Donc le baron Haussmann a dégagé le grand parvis qu'on connaît actuellement. Alors, elle n'a pas connu de dégâts majeurs pendant les deux guerres mondiales, que ce soit 14-18 ou 39-45. Elle a passé ces époques-là sans difficulté, puisqu'il n'y a pas eu de combat majeur, excepté quelques impacts de balles sur les murs en bas, parce que pendant la libération de Paris en 1945, il y a eu quelques petites écorchures, mais rien de très grave. Et puis on arrive en 2012, où on prépare la cathédrale pour les 850 ans qui auront lieu en 2013. Donc ça veut dire que la cathédrale s'est dotée de 8 nouvelles cloches, qui ont été fondues à Villedieu-les-Poêles en Normandie, d'un nouveau bourdon qui a été fondu en Hollande. Donc ça fait un total de 9 nouvelles cloches. En fait, ça restituait la sonnerie à l'identique de ce qu'elle était avant la Révolution, où les cloches avaient été fondues. Et on a aussi la pose d'une nouvelle console pour le grand orgue. Et puis là, la restauration était partie pour un chantier qui devait durer 10 ans et qui devait restaurer la flèche et puis faire une restauration générale de la cathédrale. Mais ce 15 avril 2019, tout a changé. Ce 15 avril 2019, justement, nous allons en parler juste après une première pause musicale avec le cinquième mouvement de la cinquième toccata de Widor. On se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Fadjet à Nancy sur le canal 94.2. La pièce que nous venons d'écouter a été enregistrée justement à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une pièce magnifique. Mais nous avions parlé de l'incendie du 15 avril 2019, la tragédie. Aurélien, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, il s'est passé que la charpente a brûlé. Non, plus sérieusement, il s'est passé que, en fait, pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous avez un système de sécurité anti-incendie qui est basé, en fait, dans la charpente sur de la détection. Donc, vous avez tout un nombre de détecteurs de fumée dans la charpente. Sauf que, comme c'est géré par l'État et qu'ils vont en général au moins cher, les pannes étaient très récurrentes et le nombre de détecteurs qui étaient dysfonctionnants était assez incroyable. Il y avait quelques extincteurs aussi qui étaient disposés dans la charpente à intervalles réguliers. Mais ce 15 avril 2019, à 18h10, une alarme incendie sonne. Donc en fait, elle sonne pas directement dans la cathédrale, elle sonne d'abord au PC sécurité. Donc la personne qui était en charge venait de prendre son poste, c'était son premier jour au travail, et puis elle était en heure supplémentaire parce qu'elle était au poste depuis 6h le matin. Et puis que... Il savait pas trop comment que ça marchait, en fait. Il avait eu que 2 demi-journées de formation, ce qui est très peu pour apprendre comment marche un système de sécurité sur une cathédrale aussi complexe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, entre la première alarme incendie et le moment où les premières lances à incendie étaient en action, il s'est écoulé 1 heure à peu près. Et 1 heure, c'est long, parce qu'en fait, dans une charpente comme ça, vous avez un départ de feu qui a eu lieu à la croisée du transept, en fait, à la base de la flèche. Et en fait, si vous voulez, vu que le feu, en fait, est resté dans la charpente, et bien en fait, toute la charpente est montée en température, ce qui fait qu'au final, le temps nécessaire au bois pour chauffer avant de prendre feu, du coup, a été réduit, et du coup, c'est ce qui donnait un peu l'impression que la charpente brûlait comme du petit bois, quoi, au final. Ah bah oui, c'est l'impression donc, que ça donnait. Et oui, exact. Donc le feu est parti de la croisée du transept, donc il s'est réparti en fait sur les deux bras, le bras nord et le bras sud. Il est parti vers le cœur et il est parti vers la nef. Donc il y a la charpente du cœur qui s'est totalement effondrée. Les charpentes du transept se sont effondrées. La flèche, c'est important de le souligner, s'est effondrée en 2 fois. Vous avez la première partie, la partie haute que tout le monde voit sur les images, qui a chuté. Le coq a été d'ailleurs projeté à plusieurs dizaines de mètres. Il a été retrouvé. Et ensuite, la deuxième partie de la flèche s'est effondrée. Ensuite, le feu a continué de grignoter sur la charpente de la nef. Et vous avez aussi un départ de feu qui a commencé dans la tour nord, au niveau des cloches. Et puis, en fait, toutes ces poutres qui tombent en fait sur les voûtes, justement, sont conçues pour ça. Elles sont conçues, en fait, pour que si la charpente tombe dessus à cause d'un incendie, les voûtes résistent et empêchent, du coup, le feu de tomber à l'intérieur de la cathédrale. Sauf que les voûtes, elles sont pas faites pour qu'une flèche qui fait 93 mètres de haut tombe dessus. Donc la voûte a été crevée en 3 endroits. Il y a une première portion de voûte qui a été effondrée par le premier effondrement de la flèche. La voûte de la croisée du transept a été crevée par le deuxième effondrement de la flèche. Et en fait, ça a amené, en fait, vous avez les voûtes qui sont tombées, mais sur les voûtes, il y avait des poutres qui étaient en train de brûler. Ces poutres sont tombées à l'intérieur de la cathédrale. Et si vous êtes déjà entré dans la cathédrale de Paris, les chaises, elles sont en bois. Et du coup, en fait, le feu a continué un peu à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Donc bon, ça aurait pas été très très grave, mais ça a nécessité qu'il a fallu aussi utiliser de l'eau à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, et notamment sur les stalles et sur l'orgue de chœur qui a été noyé, littéralement. Et en fait, là où les pompiers ont été utiles, c'est en fait justement pour arrêter ce feu à l'intérieur de la cathédrale, et pour stopper aussi le départ de feu qui a eu lieu dans la tour nord. Donc on a vu quelques images où c'est en fait le président de la République qui avait donné son accord d'un léger hochement de tête pour en fait envoyer une 20aine de pompiers dans la tour, parce que là c'est un endroit très dangereux, et puis pour les pompiers c'était un risque d'aller sans retour, parce que monter des tuyaux de pompiers dans les escaliers en colimaçon à 50 mètres de haut, c'est pas facile. Donc bon, ils ont réussi malgré tout à éteindre ce départ de feu dans les tours, mais très clairement sur la charpente et la flèche, ils n'auraient rien pu faire. Le feu était beaucoup trop violent. C'est comme si on essayait d'éteindre un incendie de forêt avec un tuyau d'arrosage. Ça ne marche pas. Le feu était d'une telle violence. Il suffit de voir cet échafaudage qui était à la croisée du transept, qui a été stigmatisé. Il s'est pris deux effondrements de flèches dessus. Il a eu la chaleur folle de l'incendie. Et malgré tout, il est resté là. Eh bien, ça, c'était quand même quelque chose de très impressionnant. On se rappelle tous des images, hein, la stupéfaction un petit peu générale de toutes les personnes qui étaient là, qui étaient présentes ou qui ont vu les images à la télévision ou sur Internet. Alors, nous allons prendre une deuxième pause musicale avec justement Notre-Dame de Paris, que nous connaissons tous, le temps des cathédrales. Et nous nous retrouvons ensuite à nouveau sur Fadjet. 482, histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. C'est devenu un grand classique, cette chanson de Notre-Dame de Paris. Comme beaucoup de Français, comme beaucoup de personnes, Dimitri, tu as des questions, tu te poses, tu veux savoir des choses. Absolument, moi il y a quand même quelque chose qui m'intrigue beaucoup quand même, c'est qu'est-ce qui a provoqué le feu, vraiment. Alors, qu'est-ce qui a provoqué le feu? Déjà, il faut savoir où est parti le feu. Le feu, il est parti au niveau de la croisée du transept. Il est parti, en fait, à cet endroit-là, il y avait de l'électricité qui passait. De l'électricité qui, en fait, servait à alimenter les trois cloches qui étaient situées dans la flèche et qui servaient à annoncer qu'il y aurait un office et à annoncer aussi les sonneries de cloches qui sont dans les deux tours. Et en fait, ces cloches-là avaient été électrifiées. Alors ça, c'est des bruits de couloir qu'on dit, mais un petit peu n'importe comment, que c'était pas très très énorme, etc. Et donc la première hypothèse, c'est l'incendie d'origine électrique, tout simplement un court-circuit, sachant que en plus au niveau du timing, en fait ça colle à peu près avec voilà un incendie électrique qui aurait démarré vers 17h50 quand on sonnait les cloches et qui aurait du coup démarré l'incendie un peu plus tard. Alors aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de théories du complot qui circulent. Notre-Dame de Paris n'y a pas échappé, donc les théories complotistes fusent à ce sujet, il y en a une quantité absolument incroyable. Et puis il y a la troisième théorie, enfin ça c'est à voir, et c'est la théorie terroriste, ni plus ni moins. Il y en a qui disent que c'est quelqu'un qui est monté, qui a foutu le feu, et puis qui est reparti. Donc voilà, ça c'est des questions qu'on se pose tous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'enquête est en cours. Donc tout n'est que théorie. C'est ça, voilà. On n'a aucune certitude pour l'instant. Donc les choses sont claires. Rien d'officiel. J'aurais aussi aimé savoir quels sont les projets de reconstruction pour la suite. Qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, la suite, c'est assez simple. La cathédrale Notre-Dame de Paris sera reconstruite à l'identique de ce qu'elle était avant l'incendie. C'est-à-dire que la charpente sera refaite en bois de chêne qu'on a dans nos forêts françaises. Et la flèche sera reconstruite de la même façon. Le grand orgue sera entièrement restauré, les voûtes seront entièrement reconstruites et l'intérieur sera refait comme avant. Enfin, ça c'est discuté parce qu'il y a des projets de réaménagement de l'intérieur de la cathédrale aussi qui ont donné lieu par rapport à ça. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a lancé un projet du coup pour refaire un aménagement liturgique qui est assez flou et assez controversé pour l'instant. Donc voilà, en ce qui concerne le bois qui va être destiné pour la cathédrale de Paris, on a eu le droit ces dernières semaines et ces derniers mois à toutes les associations écologiques qui ont dit « Oh là là, il va falloir dégommer plein de chênes, il va falloir abattre plein de chênes ». Alors, il va falloir effectivement abattre un millier de chênes, mais en France, le chêne, on en a. C'est-à-dire qu'au XVIe et au XVIIe siècle, on a planté des forêts de chênes en grande quantité en France pour construire simplement des navires de guerre. Et on a toujours utilisé ce bois-là, et c'est des forêts qui sont entretenues, etc. Personne n'a rien dit quand il a fallu abattre 3000 chênes pour reconstruire l'Hermione. Donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens s'excitent et deviennent fous avec ça, alors que le bois, on l'a. L'Hermione, c'est un bateau, c'est ça ? C'est ça, c'est un bateau du XVIIe siècle qui a été reconstruit à l'identique au début des années 2000. D'accord, très bien. Voilà, on sait un peu le flou. On a une théorie générale qui se précise, qui se développe un petit peu, c'est la thèse de l'incendie électrique. Visiblement, ça a l'air d'être ça, on ne sait pas exactement. Après tout, il y a l'enquête qui est en cours. Mais nous ne perdons pas espoir, c'est pourquoi nous louons le Seigneur quand même. Ici, à la propédeutique, nous louons le Seigneur. Et en latin, ça se dit « Laudate Dominum ». C'est un chant de la communauté de Thésée que nous allons écouter tout de suite sur Radio Fadjet pour notre dernière pause musicale. Thank you. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Aurélien de pour tout ce que tu nous as appris, d'avoir fait cette déclaration d'amour à la cathédrale de Paris, à l'art gothique. Eh ben, c'était un plaisir de vous le partager et de le partager à nos chers auditeurs et auditrices. Merci Dimitri, toujours fidèle au poste. Ah ben, il n'y a pas de souci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de parler avec un passionné. Merci chers auditeurs, merci chères auditrices pour votre fidélité à Radio Fadjet en ce dimanche matin. Nous vous retrouverons très vite sur les ondes à Nancy et dans l'agglomération nancéenne. Soyez prudents si vous êtes sur la route. Bon réveil si vous venez juste de vous réveiller. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.